Salut tout le monde et bienvenue sur La POC, votre podcast de hockey favori. Du moins, on l'espère. Je vais gagner votre animateur et avec moi cette semaine, invité spécial, Nicolas Thibault. Monsieur Garnier, mes hommages. Vous allez bien? Ça va très bien toi-même? Ben oui, on dirait que de mon chez nous, avec un petit verre de sortilège à la main, la vie est belle. Tabarnouche, t'es gâté. Ben toi, t'es pas en direct de chez vous et as-tu de l'alcool? Non, moi j'ai un très grand 2-2. 2-2, c'est quoi ça? Oui, 2 crème, 2 sucre. Ah, ok. Ben, j'ai vu ça, on peut dire, je sais pas moi. Vois-tu que je ne suis pas un buveur de café pour ne pas comprendre cette référence aussi classique soit-elle? Je te confirme que la dame qui me l'a servi m'a demandé de rectifier le tir. Ah ouais? Elle non plus en buvait pas. Ok, ben. Puis elle te l'a servi, imagine. Imagine. Les gens c'est chez Tim sont putain compétents. C'était juste ma blonde. Ah, ok. C'est drôle que tu l'appelles la dame. T'établis une certaine distance hein, avec tes amours, toi. Oh, mais tu t'attaches moins dans ce temps-là. Cette chose qui cohabite un peu avec toi. Ça y arrive. Sur la chose cette semaine, encore une fois, beaucoup de matériel, mais avant d'embarquer dans nos différents sujets. Comme la tradition l'oblige, ben on vous parle de la situation du Canadien de Montréal. Le classement en tant que tel, ben le Canadien de Montréal est toujours premier dans l'Atlantique avec ses 93 points, 3 de plus que les Sénateurs d'Ottawa qui en ont 90, suivi ensuite des Maple Leafs de Toronto pour la dernière place dans ce trio de têtes là. La métropolitaine Washington, Columbus, Pittsburgh, 106, 103 et 103 en termes de points, et les wild cards, ce sont les Rangers de New York et les Bruins de Boston à 96 et 84 points. Dans l'Ouest, la centrale, Chicago, Minnesota et Nashville sont en tête, 102, 95 et 87 points. Dans le Pacifique, Anaheim, San Jose et Edmonton s'établissent comme étant les équipes de tête à 93, 91 et 91 points. Et les wildcards dans l'Ouest, c'est Calgary et St. Louis avec 88 et 86 points respectivement. Le Canadien de Montréal, depuis le dernier show, ils ont eu droit à 3 matchs. Et ce fut 2 défaites et 1 victoire. Défaite mardi dernier, le 21 mars, au compte de 2-1 en prolongation contre les Red Wings de Détroit. Ensuite, défaite de 4-1 contre les pauvres Hurricanes de la Caroline. Pauvres actuellement, mais avec quand même un beau futur. Et heureusement, les Sénateurs étaient de retour du côté de Montréal et ont permis d'aller chercher une victoire pour le Canadien. Victoire de 3-1 où tous les buts ont été marqués par des défenseurs. Weber une fois et Markov deux fois. Voilà. C'est le résumé de la semaine du Canadien de Montréal. Nicolas, avant de commencer à jaser aussi là, des différents sujets de la semaine, je veux que tu te présentes un petit peu pour nos auditeurs. Pourquoi tu es sur le show? Parce qu'on se connaît bien sûr, mais je veux que tu dises un peu qui tu es à la populace. Qui je suis? Ouais. Qui je suis? C'est une bonne question. Je me la pose à tous les jours, cette question-là. J'ai fait mon petit parcours. Là. On s'est connus à travers la radio, toi et moi. Oui. J'ai fait mon petit parcours à travers soit la radio, autant au 100,1 CKVL que dans le hockey junior. Là, junior 3A, par exemple, avec la Ligue, avec les Cobras de Terrebonne. Puis là, aujourd'hui, je suis avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. À titre de gars de communication. Donc je connais un peu mon hockey, mais j'essaie de pas m'inventer aussi connaisseur que toi, parce que toi, tu me surpasses avec aplomb, mon chat. Ah ouais, ok, écoute, je vais le prendre bien bas, ces compliments et ces éloges. Mais tu le dis, tu connais ton hockey, donc c'est pour ça qu'on t'a invité sur le show. Bien entendu... Peut-être que tu vas démolir ma réputation, ça se peut très bien. Mais ça, c'est toi qui vas le faire. Moi, je suis là ça. Pour te pitcher la rondelle, toi, t'as mis dedans ou non. Tu sais. Sachant la situation, donc, que tu es avec tu es dans l'organisation de l'Armada de Blainville-Boisbriand, on va donc faire attention de ne pas parler de la LHJMQ. C'est pas dans nos habitudes, mais là, ça aurait pu être tentant, mais on veut pas te mettre dans l'eau chaude. Donc, pour te remercier de venir sur le show, on va pas te mettre dans le trouble. On est fin de même. T'es tellement fin. Ah, je sais bien. Premièrement, j'ai vraiment plusieurs sujets. Et je veux commencer avec le capitaine du Canadien de Montréal qui, malgré des succès récents de la formation du tricolore, lui peine à cumuler des chances de marquer. En fait, c'est à peu près la même chose pour Alexander Radulov. Depuis deux semaines, il est dans la course, ben, en fait depuis un petit bout de temps, là, pour le trophée Maurice Richard, mais il n'a obtenu qu'une seule chance de marquer dans les 9 dernières rencontres. Et je veux voir avec toi, là, qu'est-ce qu'on pense qui peut être la source de ces problèmes? C'est drôle, hein, parce que tu l'as dit, là, il y a quelques semaines, là, on parlait de lui comme étant, je me rappelle, de l'RDS avait fait une grosse image là, en disant tout près de Sidney Crosby. Je pense qu'il était à 2 buts de Crosby. Oui, une affaire comme ça, oui. 2 ou 3 semaines, tu l'as dit, il s'en allait pour le trophée Maurice Richard et tout ça. Puis moi, j'ai l'impression que, et ce que je vais dire, tu l'as dit, là, ce que je vais dire, c'est ça concerne que mes pensées à moi. Là, ce sont juste mes commentaires à moi, puis mon organisation, puis autant les gens qui me courtoient ne m'ont pas dit... dis ça, là! C'est ce que je veux dire. Non, c'est ça, exact. Mais moi, j'ai l'impression là, que Pacioretty fait juste se faire rattraper par ce qu'il ne fait pas sur la patinoire. Moi je ne suis pas un grand favori. En fait, c'est pas mon favori à moi, Pacioretty. Je suis pas vendu à lui, mais tu te regardes jouer, là, puis... À toutes les fois, tu te dis, Caroline, il me semble que, puis c'est facile à dire en tant que téléspectateur, là, mais il me semble que le petit coup de patin de plus, le deuxième effort, là, ben, c'est pas lui qui va le donner. Puis, j'ai l'impression aujourd'hui là, que c'est ça qui le rattrape. Que s'il donnait le deuxième effort supplémentaire, peut-être qu'il aurait ses chances de marquer là, qu'il n'y a pas, parce que quand c'est pas facile, ben, clairement, si tu te rends pas au but puis tu vas pas faire tes deuxièmes batailles autant sur le bord de la bande. Puis on ne demande pas à Pacioretty d'aller sur le bord de la bande, on le sait, là, c'est au moins gagne tes batailles dans le centre, gagne tes batailles dans le bureau qui est l'enclave. J'ai l'impression que pour lui, c'est difficile en ce moment. À une certaine époque, quand Alex Galchenyuk était à un point par match et un petit peu plus en début de saison et que Max Pacioretty ne marquait pas, Michel Therrien avait lancé une pointe envers son capitaine en disant « Ben, s'il y a une affaire qui explique le succès de Galchenyuk, c'est que lui, il va chercher la rondelle dans le coin. Il attend pas que quelqu'un d'autre y aille. » Il y avait une petite flèche envers le Canadien. Puis, t'es en train de me dire que, selon toi, c'est pas encore réglé cette histoire-là. Ben, moi, j'ai l'impression, puis tu sais, tu l'as dit, puis c'est autant bon pour une personne dans la vie de tous les jours qu'un joueur de hockey. Tu peux pas changer une personne du tout au tout quand t'es rendu à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Tu sais, Pacioretty est fondamentalement comme ça. Pacioretty, c'est un joueur, c'est un power forward, c'est un joueur qui va te compter des buts. Mais moi, personnellement, je trouve pas que c'est le joueur qui va travailler pour les compter. Je suis pas en train de dire que ça t'en prend pas puis qu'il faut l'échanger à tout prix, là. Mais si tu penses que Pacioretty va te marquer 40 buts, fine. Ça t'en prend un qui va t'en marquer une trentaine encore, chose qu'on a peut-être pas en ce moment, qui est censé être Radulov, mais qui ne le fait pas actuellement. Mais Pacioretty, tu sais, j'ai entendu, moi, déjà quelqu'un me dire, oui, il en marque 40, mais il en marque 10 ou 12 dans un filet désert. Obligé de dire aujourd'hui que c'est vrai. Je ne sais pas jusqu'à quel point, gars, j'ai pas analysé chacun des buts qu'il marque. Par contre, mon chum Sylvain Rioux, qui n'arrête pas de dire justement ce genre de... C'est le marqueur de 40 buts le moins utile de la Ligue nationale, dans le sens qu'il marque tout le temps quand c'est des courses déjà gagnées, quand c'est pas quand le Canadien en a besoin que Pacioretty en met un dedans, tu sais. Je sais pas, tu sais, j'ai pas fait l'analyse but par but de quand est-ce que, tu sais, comment ça se passe, puis est-ce qu'il est opportuniste plus que d'autres choses. Mais une chose est sûre, c'est que le premier trio du Canadien de Montréal, depuis presque un mois et demi, ça va pas super bien. Pacioretty à gauche, Dano au centre et Alex Radulov à droite, ça marche plus. Il n'y a plus d'étincelles, il n'y a plus l'énergie qu'il y avait, il n'y a plus de performance. Radulov, qui, lui, ben, écoute, dans les 14 derniers matchs, il y a 6 points, dont un match contre les Devils de 4 points. Ça veut dire qu'il y a 3 rencontres dans les 14 derniers matchs qui étaient productifs offensivement. Est-ce que tu peux vraiment considérer ça comme étant ton premier trio? Et surtout, peux-tu bouder tes autres éléments offensifs? La question se pose. C'est dur à comprendre. Tu sais, autant quand on change les trios puis on commence une nouvelle recette, on se rappelle quand on a mis Dano, quand Michel Therrien a mis Dano en début d'année avec ces deux-là, on se disait, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il fait, là, ça a parti comme, c'est, ça a parti sur des chapeaux de roue, là, il marquait. Je me rappelle même avoir pris Dano à cause de ça dans mon pool, soit dit en passant. Puis aujourd'hui, je le regrette pas tant que ça, mais en même temps, lui-même a pas nécessairement sa place là. Tu sais, je lisais dans les articles qu'on s'est échangé aujourd'hui, là, Martin Leclerc l'a très bien fait, il dit, Dano n'était pas un joueur de premier trio il y a un an. aujourd'hui, en même pas un an, il est passé justement d'un troisième trio d'une équipe qui aspire encore une fois à la Coupe, à la Coupe Stanley, à un premier trio d'une équipe qui on sait pas trop où est où présentement. Ben, est-il un joueur de premier trio, de base, là? Parce qu'on s'entend que depuis le début de la saison, c'est lui qui a majoritairement occupé ce poste-là. Oui. Il a combien de points, lui, aujourd'hui? Faudrait que je demande à mon pot, là. Non. Non, mais Dano, t'en as combien? C'est une bonne question, ça. Je regarde ça vite. Je fais ma petite recherche, là. Parce que, tu sais, pour un gars qui, essentiellement, a passé sa saison avec les deux meilleurs alliés du club, qu'on ne cesse de vanter comme étant un premier centre légitime, il a seulement 35 points. Oui, exact, je tombe là-dessus aussi. Plus un. Deux de moins que Paul Byron. Deux de... mais si on donnait un peu de Paul Byron à Pacioretty... Ah ouais, ça pourrait faire du bien. Le Canadien de Montréal cet après-midi, au moment d'enregistrer, on est le 27 mars, je tiens à le spécifier parce que il y a des gens qui nous écoutent avec un certain délai et ben dans le fond si le temps avance puis ce qu'on dit est plus vrai, ben c'est bon, voilà. Ouais. Donc, j'explique un petit peu. Le Canadien de Montréal a partagé aujourd'hui sur Twitter les trios à l'entraînement pour l'équipe. Ben, tu sais, Pacioretty, Dano, Radulov, c'était la première ligne. Byron, Plekanec et Gallagher étaient sur le deuxième trio. Galchenyuk, Shaw et Lekkonen étaient la troisième ligne. Et la quatrième était Mitchell, McCarron et King. Je suis pas d'accord avec cet alignement-là, moi. Je pense sincèrement que du côté du Canadien, on cherche encore puis qu'on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui... Ce serait quoi la recette gagnante pour retrouver une certaine étincelle? Parce que tu l'as dit, je suis entièrement pas d'accord avec... Je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec les Canadiens. Je pense pas que c'est un alignement qu'on peut déposer sur la table puis dire on s'en va jusqu'au bout avec ça. Mais tu veux faire quoi? Mets les pièces dans le puzzle que tu veux. Change-les de bord, mets-les à gauche, à droite. Moi, je pense que Galchenyuk et Radulov doivent jouer ensemble. Mais après ça, tu mets qui? T'sais, si tu retournes Galchenyuk au centre, là, chose qui était censée être en début de saison, là, tu mets qui avec lui, Radulov? Pacioretty? Là, tu dilues les forces complètement parce que là, tu mets qui sur la deuxième ligne? Il faut que Byron reste là. Oui, ben écoute, ça, c'est des affaires d'entraîneur. Hein? Puis, tu sais, ouais. Ça aime ça bouger les trios, ça aime ça mettre du monde à des places que des fois, c'est pas supposé. Puis, tu sais, il y a une étincelle, puis là, tout le monde fait comme ah, wow! Ça a marché. Mais la pièce qui vient tout mélanger pour moi là-dedans, c'est un Plekanec qui fonctionne juste pas. Entre autres. Mais on le place quand même sur la deuxième ligne. Parce que t'essaies de donner les chances qu'il devrait pouvoir profiter, mais je sais pas. C'est honnêtement, là, c'est... Claude Julien, j'aimerais pas être dans ses souliers en ce moment. On n'a pas fait le tour de la patente avec Tomáš Plekanec et c'est 7 millions et 25 points plus 5. Je pense que oui. Puis, sais-tu, je pense que ce qu'il garde dans Montréal, c'est j'ai pas regardé les statistiques avancées. C'est le fait que personne n'en veut? Ben, probablement oui, parce que ça prend. Marc Bergevin l'a dit tellement souvent, pour danser, il faut être deux. Fait que probablement que personne n'en veut, mais en même temps. Défensivement, puis comme je te dis, j'ai pas vu les statistiques avancées. Je sais que t'en es un mordu. Je sais pas si toi t'as eu la chance de regarder ça, là, mais défensivement, Plekanec a toujours été excellent. Fait que, est-ce que tu te départis d'un gars excellent défensivement qui en marque pas tant que ça pour aller en chercher un qui va peut-être marquer plus de buts, mais qui t'amènera pas la même sécurité défensivement ou encore, et là encore avoir un problème pour marquer des buts quelque part? OK, on va faire un petit calcul ensemble, OK? Tomáš Plekanec, actuellement, est au niveau des pointeurs chez les centres de la Ligue nationale, il est 100e. Non. OK? Oh, oui. Il y a 30 clubs dans la Ligue nationale. Normalement, les 30 premiers devraient être des centres de premier trio. Mm-hmm. On s'entend. Ouais. Ensuite, 31 à 60 devraient être des centres de deuxième trio. Devrait. Théoriquement. 61 à 90, troisième trio. Voilà. Si on suit la logique. Si on suit la logique, après ça, ben 91 à 100, 120, quatrième trio. Tomáš Plekanec a une production offensive de centre de quatrième trio de la Ligue nationale. C'est fou, hein? puis c'est ton attaquant le mieux payé chez le Canadien de Montréal. Et là, il y a du monde qui vont nous dire « Ouais, mais là, c'est pas nous autres qui le paye, le salaire de Thomas Pécanic. » C'est vrai. C'est pas moi qui le paye. C'est vrai. Je ne débourse pas de maudite scène sur le salaire de Thomas Pécanic et j'en suis très heureux. C'est encore drôle, tu sais. Ouais, c'est encore drôle. Mais, surtout, c'est que en ayant Thomas Pécanic, en étant aussi peu productif, d'un, il t'amène pas d'options sur la glace pour pouvoir gagner, et de deux, il t'amène pas d'options pour pouvoir danser, pour pouvoir effectuer une transaction, parce qu'à ce prix-là, il est pas vendable, il est pas achetable aussi par un autre club. Il y a personne qui va se dire, hey, ça va à peine de ramasser ce gars-là comme étant mon au salaire d'un premier centre. C'est sûr. Mais est-ce qu'on a appelé les Islanders de New York? Je pense que oui. OK, parfait. J'aurions l'impression que oui. Mais si vraiment les Islanders ne veulent pas, on a un problème. On a vraiment un problème. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'à un moment donné, c'est que ça devient de coincer à tellement de niveaux. Le Canadien de Montréal, actuellement, a une masse salariale de 72 500 000. Okay? Ils sont vraiment proches du plafond qui est à 73 millions. Mm-hmm. C'est quoi ta marge de manœuvre si tu veux aller danser? Si tu veux faire des transactions, t'en as pas? Enlève Plekanec, t'as un 6 millions, oh, là t'as de la marge de manœuvre. Là, tu peux encaisser un salaire plus haut versus un gars qui performe peut-être un peu moins ou qui performe plus, mais que l'autre équipe l'a plus dans ses plans. Là, t'as de la marge de manœuvre. Là, t'en as absolument pas parce que faut que tu payes le sapristi de 6 millions à Thomas Plekanec en moyenne sur le plafond salarial. Paturity, là, qui est une aubaine pour le Canadien, est payé combien? 4,5. 4,5? Ouais. Lui, là, toi, je te pose la question. Là. On est des jeunes un jour. Là. Ouais. Tu t'essayes-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Essayes-tu d'appeler tes homologues et de dire « Je vous offre Paturity, qu'est-ce que je peux avoir pour ça? » Je sais que le Canadien de Montréal ne fera pas ça. Mais admettons que je suis DG du Canadien de Montréal. Max Paturity a 28 ans. Le Canadien de Montréal, pour moi, a beaucoup trop de failles, a beaucoup trop d'endroits pour être aspirante à la Coupe Stanley. Mm-hmm. Donc, le plan, pour moi, ça serait de faire un vrai tankage. Et donc, de sortir tous les éléments qui ont plus de 25 ans et que je ne vois pas dans 4 ou 5 ans, quand mon équipe sera prête pour devenir aspirante à la Coupe Stanley. Tous ces éléments-là, je les mets dehors. Max Pacioretty a 28 ans, va devoir signer à la fin, pas de l'an prochain, l'autre d'après, signer un nouveau contrat et va augmenter de valeur monétaire tout en diminuant ou en maintenant là, pour un laps de temps assez court parce que les attaquants ont tendance autour de 31-32 ans à diminuer de performance. Donc, va voir son ratio performance versus salaire devenir dans le négatif pour le Canadien de Montréal. Actuellement, il est dans le positif. Même si c'est peut-être le marqueur de grand but le moins utile de la Ligue nationale, reste pour son salaire, il est avantageux. Mais moi, son prochain contrat me fait peur, puis ses performances qui vont aller éventuellement diminuant me font très, très peur. Et donc, dans son cas à lui, puis dans le cas de bien d'autres vétérans du Canadien de Montréal, qu'on pourrait faire le tour si ça nous tente, je préférerais le vendre que d'attendre que ses performances diminuent et qu'il ne soit plus marchandable à mon avantage. Est-ce que tu inclus dans ce groupe de joueurs-là dont tu parles un gars comme Nathan Beaulieu? Je n'inclus pas un gars comme Nathan Beaulieu puisqu'il n'a que 24 ans. Je t'ai dit 25 ans tantôt. Oui, non, mais c'est ça. Lui, il est comme borderline. Là. Fait que je me demandais si toi, t'incluais ce genre de joueur-là. Parce que si on veut, on veut pas faire une reconstruction, mais tu vas aller chercher, tu veux échanger les joueurs que tu dis de 25 ans et plus que tu ne vois pas comme étant tes leaders ou tes joueurs qui sont en bonne position pour t'amener une Coupe Stanley. Peut-être que si tu échanges un gars comme Beaulieu, dans un échange, peut-être avec un Paturity ou encore dans un autre échange complètement, j'ai l'impression que tu peux aller chercher de bons outils pour t'en aller à la Coupe Stanley. OK. Ce qui arrive, c'est que Nathan Beaulieu, en ce moment, n'a pas assez de valeur pour générer un échange à un pour un qui est potentiellement à l'avantage canadien de Montréal. Ah, ça, c'est sûr. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu l'utilises comme filler dans une transaction. À ce titre-là, aussi bien le garder. Ça, c'est clair. Donc, non, je ne l'échangerai pas pour cette unique raison-là. Les probabilités que ses performances augmentent sont pas mal plus élevées que de les voir diminuer dans les 5 prochaines années. OK, Galchenyuk, on en parlait. C'est avec lui qu'on a commencé tout ça. Oui, Galchenyuk, je le garde aussi. Puis en fait, je me demande même pourquoi qu'il n'est pas le centre numéro 1 du Canadien de Montréal de manière claire pour tout le monde. Penses-tu que c'est quelque chose à l'interne? Moi, je pense qu'il y a vraiment une volonté de le casser au niveau caractère. Et il y a une volonté aussi, surtout, de le payer moins cher pour son prochain contrat. Donc, de le faire moins produire? De le faire moins produire, parce que s'il produit trop, on va être obligé de le payer plus cher que ce qu'on veut réellement y donner. Et ça va venir nous coincer au niveau de la manœuvre. Parce que tu as des contrats à des vétérans qui sont déjà signés et que eux, tu peux pas rien faire. Là. Tu peux pas diminuer la valeur des contrats de ces gars-là quand c'est déjà signé. Donc, la marge de manœuvre que tu as en ce moment, c'est sur les contrats de Nathan Beaulieu et de Alex Galchenyuk. En ce moment, ok, je reviens sur Nathan Beaulieu, tu vas voir, après ça, on va aller faire à peu près le même exercice pour Alex Galchenyuk. Okay? Yeah. Nathan Beaulieu a 24 ans. Actuellement, pour le Canadien de Montréal, il est au 5e rang des meilleurs pointeurs en power play avec 11 points. Tout ça en ne jouant pas tous les matchs. Mm-hmm. Dans la Ligue nationale, il est à égalité au 46e match. J'ai fait le calcul en milieu de semaine dernière. Okay? Il est au 46e point chez les défenseurs pour le différentiel avec plus 8 et au 57e rang pour les points produits avec 25. Si tu combines tous ces éléments-là, on s'entend que c'est grosso modo assez intéressant. Avec ses points, avec son différentiel, disons qu'il est 60e meilleur défenseur de la Ligue nationale. Mm-hmm. On refait la pratique qu'on a faite tantôt. Les 30 premiers défenseurs devraient être des numéros 1, théoriquement, de 1 à 30. 31 à 60, ça devrait être des défenseurs numéro 2, théoriquement. Donc, est-ce que Nathan Beaulieu est utilisé à la hauteur de ses performances? Des chiffres, du moins, qu'il affiche? Je pense pas. Ouais, là, on parle uniquement des chiffres. On parle uniquement des chiffres. Mais théoriquement, pour qu'il soit un défenseur numéro 5 ou numéro 6, comme on l'utilise en ce moment, il devrait être autour de la position 150 à 180. Mais ça revient à ce que tu disais tantôt. Ce qu'on veut, c'est le casser puis l'emmener là où on veut que le Canadien soit. Probablement. Alex Galchenyuk, j'ai fait des calculs avant le show. Écoute, t'as poireauté avant de t'en venir, fait que je me suis permis, OK? étape numéro 1. Je vais par étape, tu vas voir. Ouais. On fait une liste de tous les centres de la Ligue nationale qui ont plus de points que Alex Galchenyuk. Donc, Alex Galchenyuk, c'est notre bottom, c'est le minimum. Il est à 42 points en ce moment. Dans la Ligue nationale, on retrouve 56 joueurs de centre qui ont des points plus ou égal à Galchenyuk. Okay. On élimine tous les autres centres. Deuxième étape, de ces centres-là, de ces 56 centres-là, on élimine tous ceux qui ont un différentiel moins bon que celui de Galchenyuk. Un différentiel, ce qui veut dire les plus et les moins. Qui est à moins 2 présentement. Actuellement, Galchenyuk est à moins 2. Donc, on élimine du lot des noms comme Tyler Seguin, qui est à moins 13. On élimine des gars comme Claude Giroux, qui est à moins 14. Nazem Kadri, qui est à moins 10. On élimine Vincent Trocheck de la Floride, qui est à moins 12. David Krejci de Boston, avec son moins 14. Braden Shen, qui est à moins 20. On élimine Jonathan Marchessault, en Floride, qui est à moins 16. Nathan MacKinnon, qui est à moins 17. Parce que, pourquoi que je les élimine? Ben, parce que Alex Galchenyuk, l'une des affaires qu'on lui reproche, c'est de ne pas être performant défensivement. Mm-hmm. Donc, j'élimine ceux qui sont pires que lui. En éliminant tous ces gars-là, Alex Galchenyuk se ramasse au 37e rang. Commence à grimper. On élimine des noms. Ouais. Troisième étape. On ne garde que les centres ayant un meilleur ratio de production de points par match. Donc, la moyenne de production. Alex Galchenyuk est à 0.78. Dans le lot, on élimine des joueurs comme Tyler Bozak. On élimine Patrice Bergeron. On élimine Sam Gagné. On élimine Ricard Raquel. On élimine une couple de noms de même. Alex Galchenyuk se ramasse donc 17e dans la Ligue nationale. Et en terminant, si on enlève comme dernier paramètre qu'on dit ô combien souvent que Alex Galchenyuk doit améliorer son pourcentage de gain au cercle de mise en jeu, actuellement il est à 42,5%. Ça fait, entre autres, qu'on élimine Willem Nylander et Mitch Marner, qui sont des centres du côté de Toronto, qui ont moins bon. Donc, Alex Galchenyuk est 15e centre de la Ligue nationale si on combine quatre grands éléments au niveau statistique que l'on tente de trouver chez un centre de la Ligue nationale de calibre numéro 1 légitime. Sachant tout cela, moi, j'ai fait des petits calculs de même. J'ai un secondaire 5, plus de l'université, là, puis je suis capable d'arriver à ces chiffres-là. Dis-moi pourquoi que Claude Julien n'utilise pas Alex Galchenyuk comme premier centre. Ben moi j'aime beaucoup ta thèse du fait qu'on veut le casser. Okay? Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a de quoi à l'interne qui fait en sorte qu'on se dit Galchenyuk est notre homme du futur. On veut le casser, on veut l'emmener là où on veut qu'il soit. Mais ce que tu as dit tantôt, là, le fait qu'on veut peut-être... Et là, on s'entend, là, on n'est pas... on connaît pas la vérité. On n'a pas la vérité infuse, on n'est pas dans le secret des dieux. Mais si c'est vrai ce que tu as dit tantôt, du fait qu'on veut peut-être le faire moins produire, sans que ça paraisse, pour le payer moins cher... Subtilement, là. Exactement, subtilement, mais que JB Gagné a quand même pu trouver cette raison-là, je trouve ça grave. C'est quoi le pire? C'est qu'on essaye de le faire moins produire. Ça, c'est mettons ma thèse, une théorie du complot. OK, on jase, on théorise le complot dans patente, là, OK? Malgré tout, depuis l'arrivée de Claude Julien à la barre du Canadien de Montréal, soit 17 parties, devine qui est le meilleur pointeur de l'équipe. Avec 13 points. Devant Max Pacioretty à 11, Markov à 11. Il faut dire qu'il y a 3 points dans la dernière game du Canadien, donc il serait à 8. T'sais, il redescendrait une coupe de rang. Weber, Shaw, Byron, Radulov se ramassent au 7e rang. Et je te rappelle, il y a 3 matchs qui ont des points, dont un qui en a fait 4. Donc, on pourrait le baisser. Et Philippe Danault ne pointe le bout de son nez qu'au 10e rang du Canadien de Montréal, chez la production offensive. Ça m'inquiète pas. Non? Ben, c'est pourtant ton premier centre, puis il joue avec les meilleurs alliés, en principe. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, Philippe Danault, qu'il soit au 10e, ça m'inquiète pas tant que ça. Parce que je pense pas que sa place est sur le premier trio, puis je pense que tu partages mon opinion là-dessus. Oui, mais c'est là qu'on le met. Normalement, il devrait produire plus. Tout à fait. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il soit là. T'sais, c'est sa place. C'est les performances qu'il est censé pouvoir donner. D'ailleurs, on le voit cette saison, on s'attendait à ce qu'il soit 4e centre. Ouais. Il est au-dessus de ça. Tant mieux. Je suis super content pour le gars. Mais pour moi, la différence de face-off gagné pour Philippe Danault, qui est à 50,5% versus les 43,1% de Alex Galchenyuk, c'est 7,4%. Ça veut dire que ce n'est même pas une mise en jeu de plus gagnée en 10 occasions pour Dano. Ouais. Non, c'est... Sais-tu, on pourrait régler ce cas-là de Galchenyuk en une seule phrase. Ça prend dans une équipe de hockey, malheureusement, et encore, c'est encore plus vrai dans la Mecque du hockey à Montréal, ça prend un beau émissaire. Puis dans ce cas-là, on en a deux. Un en attaque, un en défense. Ouais. Puis on est bien heureux, c'est eux autres ça va nous permettre de payer moins cher. Puis j'ai l'impression que c'est ça en ce moment avec le Canadien, malheureusement. D'ailleurs, écoute, pour le fun, OK? Ouais. Entre deux matchs, l'émission de RDS, la semaine dernière, le 21 mars, OK, nous a présenté un tableau en disant le premier trio, ça va pas bien. Okay. On nous a présenté ce trio-là. À l'époque, c'était Alex Galchenyuk qui était au centre en disant Max Pacioretty, 33 buts, 27 passes, plus 10 en 72 matchs. Dans les 9 derniers matchs, 2 buts seulement. D'ailleurs, il n'y en a pas marqué depuis ce temps-là. Donc, on est à 2 buts dans les 11 derniers matchs. Après ça, Alex Galchenyuk, on fait à peu près la même affaire et on dit 0 buts dans les 8 derniers matchs. Et Alex Radulov a fait la même affaire en disant « Ah, un but dans les 13 derniers matchs. » Et là, moi, je me suis dit « Mais oui, mais OK, ça a l'air beau, mais c'est du mauvais journalisme. » Pourquoi c'est du mauvais journalisme? Pour la simple et unique raison que si t'as pas une base de comparaison commune, ça ne sert absolument à rien de nous présenter tous ces chiffres-là. C'est facile de mettre des chiffres à côté des chiffres. Ben, c'est facile, oui, mais surtout, c'est que ça peut faire dire ce que t'as le goût de dire aussi. Radulov est sur 13 matchs, Galchenyuk est sur 8. C'est moi où il y a 5 matchs de différence, c'est quasiment le double. Et là, moi, je me suis dit, bon, ben écoute, mettons ça sur 13 matchs. Alex Galchenyuk, dans cette période de temps-là, les 13 matchs précédant cette date-là, il avait 3 buts, 7 passes pour 10 points. Pacioretty, lui, 5 buts, 4 passes pour 9 points. Puis Radulov, il avait le même 6 points qu'on parle depuis tantôt, mais 4 dans le même match. Fait que quand tu mets sur la même base, on se rend compte que finalement, on peut pas dire la même affaire, tu sais. Fait qu'on peut pas raconter l'histoire qu'on veut dire. Puis on peut surtout pas dire que Alex Galchenyuk a marqué 0 but. Parce que là, ça paraissait bien, là. Ben, ça allait dans le sens, tu l'as dit, ça allait dans le sens où on voulait aller. Ben, c'est pour ça que, tu sais, moi, je mets les morceaux du casse-tête, puis je me dis, voyons, c'est donc bien, tu sais, il me semble qu'il y a de l'acharnement. J'ai l'impression que, logiquement, quand tu regardes les chiffres, du moins, ce que moi, j'ai été capable de trouver, puis peut-être que des gens de statistiques avancées plus profondes que moi vont pouvoir sortir d'autres constats, vont pouvoir dire d'autres choses. Mais j'ai pas l'impression qu'Alex Galchenyuk est censé être le bouc émissaire quand c'est ton meilleur pointeur. Dans le dernier mois et demi, quelle équipe dans la Ligue nationale place son meilleur pointeur du dernier mois et demi sur le troisième trio? Montréal. Malheureusement. Mais en même temps, là, c'est facile de réaliser pourquoi Galchenyuk est le bouc émissaire du Canadien de Montréal. Tu l'as dit tantôt. Jamais on va échanger un gars comme Pacioretty. Fait que jamais on va mettre la blâme sur un gars comme Pacioretty. Mm-hmm. Radulov, c'est une situation houleuse parce que là, tu te dis, tu sais, tantôt, pendant que tu parlais, je me disais, qui as-tu à perdre là-dedans? Radulov ou le Canadien? Tu sais, Radulov est dans une situation où il a signé un an avec un salaire assez important. Il veut re-signer. Le Canadien veut, je suis certain, le re-signer aussi. Mais en ce moment, ils se disent, ouais, OK, là, s'il joue comme ça, est-ce qu'il va vraiment nous donner du hockey si on le re-signe avec un gros salaire? Et là, je suis pas au courant. Je pense qu'il veut 8 ans, 8 millions, là. Mettons que tu décolles les comparaisons bien, bien hautes pour après ça rebaisser, tu sais. Non, mais c'est ça. Fait que là, tu te dis, ouais, fait que là, est-ce qu'avec lui, on est dans une situation pour mettre le blâme sur lui? Pas vraiment. Après ça, tu vas aller sur qui? Plekanec, il est plus sur la même planète que nous autres, là. Plekanec, lui, il est complètement déconnecté. C'est plate à dire, mais c'est même si tu mets le blâme sur lui, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de frapper sur quelqu'un qui est à terre, là. Après ça, tu regardes, puis tu mets ton bras sur Byron. C'est probablement ton meilleur attaquant de la saison en termes de constance. Là, tu regardes les autres, tu vas aller sur qui? Jeff Petrie? Bon, c'est un défenseur, j'allais dire, mais... Mais il mériterait peut-être. Mais en partie, du moins. Mais, OK, ben Petrie, peut-être pas. Mais Emeline, oui. Oh, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais comment ça se fait que cette saison-ci, là, c'est flagrant, là? Comment est-ce que Emeline a baissé de niveau depuis que... écoute, même plusieurs matchs avant qu'il soit dissocié de chez Weber et les performances de notre centre numéro 1 en termes de paiement, Thomas Plekanec, comment ça se fait que c'est pas ces deux gars-là? Parce que les gens sont tannés de dire que ce sont pas bons ou parce que c'est des vétérans et l'organisation s'efforce à les faire bien paraître? Moi, je pense que c'est un peu les deux. J'ai l'impression que c'est un peu les deux. Puis, ça revient encore théorie du complot, là. Ça revient au fait que la plupart des médias qui couvrent l'action chez le Canadien de Montréal sont soit en situation de partenariat ou sont en situation de RDS où, en fait, l'équipe fait partie des propriétaires du diffuseur de contenu. Fait que tu dis bien ce que l'organisation veut que tu dises. Je regardais pour le fun les performances au cercle de mise en jeu pour les centres. Ouais. Et dans le lot... Attends un peu, je vais retrouver ma publication. Dans le top 30, là. Là-dessus, Plekanec a eu un très bon match la semaine passée. Je pense qu'il était 15 en 18. Ouais. Non, mais donnons à César ce qu'il y a à César. Ah oui, donnons-y. dans les 30 meilleurs pointeurs, la position de centre, le 23 mars dernier, quand j'ai fait le tableau, il y en avait 15 sur 30 qui avaient moins de 50% de taux de réussite au cercle de mise en jeu. Ouais. Tu sais, je veux bien croire que c'est important, là, les mises en jeu, mais c'est pas tout. Non, ça c'est clair. Puis tu pourrais décortiquer défensivement et offensivement aussi. Rendu là, c'est un autre chapeau, là, mais... Ouais, exact. Martin Leclerc, cette semaine, qui a présenté un article fort intéressant sur la situation du Canadien de Montréal l'an passé et cette année versus, tu sais, toutes les échanges, tous les mouvements de personnel que Marc Bergevin a fait pour rapatrier la victoire à Montréal. Ouais. Et ses chiffres les plus flagrants là qu'il a sorti, c'est deux plateaux intéressants, soit de 235 buts marqués, un différentiel de plus 35. Ouais. Le Canadien de Montréal, au moment d'écrire son texte le vendredi 24, donc il y a trois jours au moment de l'enregistrement, était plutôt au niveau de 216 buts et un différentiel, je pense que c'est autour de plus 5, plus 6. Comme ça, une affaire comme ça. Faudrait que je revérifie les chiffres pour l'équipe, mais de toute façon, c'est le principe demeure le même. Est-ce que toutes les transformations que Marc Bergevin a effectuées à son équipe en valaient la peine? Personnellement, là, moi, je pense que oui. Mais il va toujours te manquer la pièce maîtresse de ce puzzle-là. Tu sais, les gars, là, pis, là, on parle, est-ce qu'on parle seulement, JB, puis là-dessus, je pense que tu vas pouvoir m'éclairer. Tu sais, quand on parle des échanges, on parle de ceux de début de saison, là, les Andrew Shaw de ce monde. Oui, l'entre-saison, là, après l'année de misère. Là. Okay. Le Canadien est à plus 17. J'avais 6 dans la tête, là, mais c'est plus 17 en termes de différentiel de buts pour et contre. On est loin du point du plus 35. Les chiffres qu'il mentionne, 2,35 pour les buts, puis plus 35 pour le différentiel, c'est les équipes qui sont aspirantes pour la Coupe Stanley, logiquement. Pareil, à pareille date, on était à moins 15 l'année dernière, du côté de Montréal. Ouais, mais est-ce que c'est pas juste l'absence versus la présence cette année de Carey Price qui fait la différence là-dessus? Il a toujours faussé les données, il va toujours le faire aussi. Pis c'est correct, il fait partie de l'équipe, mais à un moment donné, faut voir au-delà de ça. Oui, non, tout à fait. Puis l'année dernière, ben, c'est une saison complètement oubliée aussi pour le Canadien. Hein. Mais quand on regarde tout ça dans l'ensemble, je pense que les échanges, ça nous prend, comme pour un pont, ça prend une bonne base. Je pense que la bonne base, on l'a. Mais ce qui nous manque, c'est la crème sur le dessus. On en parlait tantôt du cas de Pacioretty. Je pense qu'un gars comme Pacioretty n'est pas cette crème-là. Ça prend un gars qui va... T'sais, on parlait là à la date limite des transactions, on voulait aller chercher des gars comme Duchesne. On voulait aller chercher des gars comme... Hey, on en a nommé des noms là, qui s'en venaient ici. Là, Enzo, le centre Enzo qui s'en venait ici. Là, pis on avait plein de noms comme ça qui s'en venaient. Je pense que ça prend un gars qui va travailler et qui va être en mesure de compter des buts. Puis là, on parle d'un vrai 30-40 buts. Parce que la base, on l'a. Tu sais, les Andrew Shaw, là, oui, on parle de leadership dans le vestiaire. Je pense que même l'échange comme Jordy Benn est une excellente échange pour le Canadien de Montréal. Oui. Mais il te manque des trucs pour mettre autour de ça. Puis c'est toujours ça le problème ici. C'est la viande autour de l'os. Cette viande-là, ce qui manque chez le Canadien de Montréal, on va se le dire, c'est un ailier gauche de deuxième trio. Puis un centre. Un premier, voire deuxième centre. Oui, si on considère que Galchenyuk joue au centre. Oui, puis qu'on considère qu'on lui donne vraiment cette chance-là puis qu'on arrête de le mettre en question. Puis je te dirais qu'en termes de magasinage, si j'étais Marc Bergevin, je préférerais magasiner un deuxième centre qu'un premier. Le prix est pas mal moins élevé. Tout à fait. Et ensuite, ça te prend un vrai défenseur numéro 2. Pour pouvoir asseoir tout le monde sur la bonne chaise. Ce qui veut dire tout le monde, là. On parle de Emeline plus dans le line-up. On parle de Beaulieu sur une deuxième paire avec Petrie. Puis Markov qui joue sur une deuxième / troisième, là, tu sais. De quoi de plus malléable en termes de temps de jeu pour pouvoir l'économiser. Puis Jordy Benn, c'est la troisième. Puis t'es rendu avec une défensive qui est pas mal à la bonne place, là. Mm-hmm. Ces éléments-là. Deuxième, puis un premier centre, puis un deuxième défenseur. Comment tu penses qu'on acquiert ça dans la Ligue nationale? En échangeant des gars qui sont considérés en ce moment pour le Canadien intouchables. Est-ce que tu vas pas créer des trous à d'autres places? Parce que là, Max Pacioretty, de base, actuellement, est ton premier ailier gauche. Si t'es pour l'échanger pour un deuxième ailier gauche, t'es pas plus avancé. Ben, lui, personnellement, je vais me passer de commentaires parce que, comme je te dis tantôt, c'est pas mon favori. Fait que, ben de la misère à être objectif avec lui. OK. Soit une transaction, soit le marché des joueurs autonomes sans compensation. Et là, à ce moment-là, les joueurs que tu ramasses là ont habituellement plus de 30 ans et voient leur performance diminuer. pour la grande, grande, grande majorité des cas. Mmh. Ou encore, tu repêches. Et là, ça te prend 3, 4, voire 5 ans avant de voir apparaître un gars pour qu'il puisse prendre la place sur un premier trio, slash deuxième dans ce cas-ci. Mais ça, le Canadien a peur. Le Canadien a peur de repêcher des joueurs comme ça. Tu sais, c'est quoi notre dernier repêchage qu'on a fait, qu'on était troisième, c'était Galchenyuk? Oui. OK, bon, Galchenyuk, c'est pas un super bon exemple. Parce que Galchenyuk, en ce moment, je pense qu'il donne peut-être pas nécessairement ce qu'on voudrait, parce qu'on en parle depuis tantôt, mais c'est un excellent joueur de hockey. Je considère, moi, je le considère, dans mes connaissances, d'un excellent joueur de hockey. Bien, ça demeure, de toute façon, le premier, voire deuxième meilleur joueur de sa QV. Il a été choisi troisième, donc en avant de... Il performe plus que son rang de sélection dans son année de repêchage. Oui. Moi, j'ai l'impression que quand on va chercher des excellents joueurs, là, des joueurs là, assez bien classés, là. Je pense à McDonough, par exemple. Là. McDonough, on l'a repêché combien, tiens, te rappelles-tu, toi? Donne-moi une seconde. On l'a repêché. McDonough, c'était... Je suis en bonne année de repêchage. Ben non, toi. C'est 2007. Randy McDonough, 12e au total. Total. Bon, un gars comme un 12e choix au repêchage, on s'entend. Bon, c'est pas un joueur qui va immédiatement rentrer dans ton alignement puis changer et tout casser du jour au lendemain, là, mais c'est un gars qui devrait quand même connaître de très, très beaux jours dans la Ligue nationale de hockey, tu t'entends? L'équivalent de, possiblement, Sergachev cette année. Bon, moi, j'ai l'impression qu'à Montréal, on a peur, et c'était juste moi qui pense ça, mais j'ai l'impression qu'on va chercher des bons choix, puis bon, il y a des statistiques qui sont sorties dans les dernières années, là, comme quoi le dépisteur-chef, là, son nom m'échappe complètement. Là. Trevor Timmins. Trevor Timmins était l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur, en termes de joueurs repêchés pour finalement les voir jouer dans la Ligue nationale de hockey, là, en termes de matchs joués. Là. Ben, en fait, ce tableau-là, si tu prends tout le règne de Timmins, il est dans les meilleurs. Si tu prends juste les 6 dernières années, il tombe vraiment très, très bas, voire dans 25e position et plus loin. Là. Mais j'ai l'impression qu'on a peur... On va chercher les bons joueurs de hockey. Puis quand on voit que c'est long, on dirait... Bon, là, les fans, ils veulent pas attendre. À Montréal, on se cachera pas, on n'est pas patient tant que ça à Montréal. Là, on veut gagner immédiatement. Mais on dirait que l'organisation se dit, on peut pas faire ça à nos partisans. On n'attendra pas, fait qu'on les échange. Puis on fait des pires échanges que ce qu'on devrait avoir comme joueur. Tu sais, McDonough, là, je m'excuse, mais aujourd'hui, dans l'alignement du Canadien, il aiderait en tête. Ben oui. Je te remets dans notre discussion, là. Alex Galchenyuk et Nathan Beaulieu. Pourquoi des gens se plaignent? Parce que ça fait déjà quelques années qu'ils sont avec le club. Mais sont-ils vieux? Alors, à 24 ans, excuse-moi. Si non, ils ont 22 et 24 ans. Ouais. Quand Brendan Davidson est arrivé à Montréal, depuis Edmonton, c'était quoi les commentaires qu'on entendait? On entendait que ce gars-là avait un bon potentiel. Visiblement pas sûr qu'on voit sa patinoire. C'est pas ça qu'on voulait pour le moment, mais c'est ce qu'on nous disait. On disait Brendan Davidson a un bon potentiel. Oui. On va faire une petite recherche. Là. Brendan Davidson. On va chercher ça là, pour le plaisir de la chose. Okay? Brendan Davidson, dans sa carrière dans la Ligue nationale, a 14 points en 95 matchs. Mm-hmm. Il a 25 ans. Nathan Beaulieu, de son côté, a 25 points juste cette année, différentiel de plus 8, et on dit que ça commence à être tard, là. Que son développement, là, c'est fini, puis qu'on devrait l'échanger avant qu'il soit pas bon. On développe bien mieux les joueurs ailleurs. Ben oui, mais surtout, c'est qu'on compare bien mal le talent d'ailleurs versus celui qu'on a ici, là. Ouais, c'est ça qui est triste à constater aujourd'hui. Je faisais l'exercice sur le dernier show de la POC. L'année de repêchage de Nathan Beaulieu, à son rang de sélection, après lui, si tu voulais un défenseur, il n'y en avait pas de meilleur choix. Non, mais c'est pas un mauvais choix en tant que tel. Je pense que, tu sais, combien de joueurs on a vu dominer ou être excellent dans le junior, puis monter en haut, bon, quel pléonasme. Mais monter dans la Ligue nationale de hockey puis pas connaître la carrière qu'il se doit, ça se peut de se tromper. Là. Écoute, on jase, là. Nathan Beaulieu, ouais. Ça fait un bout qui est à Montréal. Hein? Ouais. On est tanné. 57 points en carrière en 218 matchs. Philippe Dano, c'est écoute, c'est comme le gars qui a inventé le pain tranché, qui a mis le quatrième trou sur le bouton. Écoute, le zipper, la fly, name it, les belles inventions. Philippe Dano, c'est ça. En carrière, en tant que joueur d'attaque, ce qui est censé être plus productif, a 45 points en 128 games. Ouais. Il y a moins de points et quasiment la moitié moins de matchs joués. Mais il vient d'arriver à Montréal. Fait qu'on n'a pas eu le temps de cette année. Il vient d'arriver, puis, tu sais, je vais Dano, c'est le genre de joueur, c'est le genre de joueur que les Québécois aiment. Je suis le premier à le dire, je suis le premier à l'aimer. Il travaille toujours à 110% sa patinoire. Il est devant le but. Il a la face d'un joueur, il a le profil d'un joueur qu'on aime à Montréal. Beau lieu, là. À part un petit sourire, une fois de temps en temps, là. Pas grand-chose, là. Puis c'est un défenseur, on le compare avec un gars peut-être comme Beaulieu, comme Dano. On peut même pas faire de comparaison, c'est même pas le même genre de joueur, je joue même pas à la même position, mais c'est ça pareil. Moi, je pense que Dano a plus le profil d'un joueur qu'on va aimer ici au Québec. Pas pour rien qu'on aime Paul Byron. Ben là, cette année nous le rend bien, mais oui, c'est exactement. Et le Canadien de Montréal... Donc, ce qu'on est en train de faire comme démarche, comme analyse, c'est que plus un kid passe de temps à Montréal, plus les gens ont de probabilité ou de chance de stanner. Le moindrement qui est censé avoir du potentiel puis que ça arrive pas à vitesse grand V. C'est à peu près ça le constat qu'on fait, là. Quand ça arrive de l'extérieur, on s'en rend pas compte des années, mais quand c'est dans notre cour, on s'en rend compte. Qu'est-ce qui va arriver à partir de l'an prochain quand tu vas voir le Rocket du côté de Laval? Le monde va avoir les prospects directs de la Ligue américaine dans leur face. Moi, je pense, oui, pour la proximité, pour rappeler des joueurs, c'était la meilleure chose pour l'organisation du Canadien de Montréal. Pour le développement des joueurs, au niveau mental, je pense que c'était la pire situation possible. Le Canadien de Montréal s'est tiré dans le pied en mettant ses joueurs, ses kids, d'en face du public. Un public rempli de requins, tout prêt à croquer le moindre petit prospect qui avance pas aussi vite qu'espéré. J'arrêtais pas de faire la comparaison Nathan Beaulieu à 24 ans versus Alexis Emeline à 24 ans. Alexis Emeline à 24 ans était à moins 7 dans la Ligue nationale, avait 7 points. On va faire de même. Alexis Emeline. Une seconde, Alexis Emeline. On va chercher ça pour pas dire de la merde parce que les gens sont forts là-dessus, nous le dire. À l'âge de 24 ans, Alexis Emeline arrivait dans la Ligue nationale. C'était la saison 2011-2012. En 67 games, 7 points, moins 18. Ouais, 3-4 batailles aussi. En fait, Alexis Emeline se battait déjà pas parce qu'il y a une plaque d'en face. Ah, c'est pas arrivé pendant son parcours dans la Ligue nationale? Non, c'était du côté de la KHL. OK. Et donc, ce que j'amène comme comparaison, c'est qu'à 24 ans, Emeline, c'était sa première saison dans la Ligue nationale, on n'était pas déjà tanné. Beaulieu, puisque ça fait quelques saisons, on se dit, ben voyons donc, il atteindra jamais son plein potentiel, ça commence à se faire tard. Et pourtant, cette année, à l'âge de 30 ans, Alexis Emeline, pour la première fois de sa carrière, a réussi à maintenir la cadence pour être, pendant un certain laps de temps, le deuxième meilleur défenseur du Canadien de Montréal. Au même âge, à 24 ans, il était à moins 18. Il a fini à 30 ans sur la première paire du Canadien de Montréal. Et légitimement, il avait droit d'être là parce qu'il performait à la hauteur de ça durant une bonne partie de la saison. Ouais. Explique-moi maintenant... Ou le public, expliquez-moi maintenant comment ça se fait que Beaulieu, lui, en avance au même âge, ne pourrait pas, à côté, voire dépasser ses performances-là à l'âge de 30 ans. Qu'est-ce qui presse? Je pense pas qu'on ait fait ce travail-là de recherche comme tu l'as fait. On se fie à nos impressions de gars qui regardent ça du coin de l'œil. Puis je pense que le Canadien de Montréal, si c'est pas un complot comme on s'imagine, là, dans le cas d'Alex Galchenyuk puis Nathan Beaulieu, on a oublié de se fier aux chiffres, puis on se fie juste à nos impressions. Puis un gars que, écoute, t'as une dent en compte, c'est sûr que tu vas le voir moins bon, moins fin, moins beau que ce qui est en réalité, tu sais. Ah ouais, c'est. Puis ça fait 25 ans qu'on n'a pas gagné une Coupe Stanley, fait qu'on veut en avoir une, puis on se fie, à ce qu'on voit, puis à l'impulsivité du moment, puis on se dit, ben là, c'est aujourd'hui que je veux la Coupe, c'est aujourd'hui que je veux gagner. Puis aujourd'hui, ben malheureusement, c'est tel gars qui ne fait pas le travail. On revient-tu au texte de Martin Leclerc? On a vraiment bifurqué comme solide. Comme tu veux, pour ça. Et donc, la question que Martin Leclerc soulevait, c'était le fait que le Canadien de Montréal, malgré toutes ses transactions, malgré son leadership, malgré l'acquisition de gars qui ont vécu en série, je regarde du côté de Shaw, je regarde du côté de Dwight King, malgré tout, le Canadien de Montréal... au niveau des buts marqués et du différentiel de buts pour buts contre, fait quand même du sur place et surtout se ramasse avec certains éléments qui faisaient partie de la formation et qui, à l'époque, l'an passé, le faisaient, puis là, cette année, n'y sont plus et que ça n'a pas amélioré la situation. On a jeté le blâme sur Piqué Subban et finalement, ça change pas grand-chose. Ça a débloqué lors du dernier match, mais depuis le mois de mars, le Canadien de Montréal avait un succès. Un but marqué en power play depuis le début du mois, ce qui donnait un taux de réussite autour de 9 ou 10% là. Ce qui donnait l'avant-dernier rang dans la Ligue nationale. Alors que chez Weber, il était censé régler tous les problèmes en power play. Est-ce que c'est vraiment ça qui arrive? À vous d'en juger. Autre sujet. Ah, on pourrait parler du temps d'utilisation de Alex Galchenyuk lors du dernier match. 11 minutes 51. Son plus bas taux de temps de glace depuis avril 2014. T'es-tu encore là, Nick? Oui, je suis encore là, excuse-moi, ça a coupé. Je me demandais, je parle tout seul. J'aurais aimé pas te le dire en nombre, là, mais voilà. Ben, on l'a dit. Les joies du pas live, tout tape, malgré tout. Donc, Alex Galchenyuk qui joue 11 minutes 51, malgré qu'il est le premier pointeur de sa formation dans le dernier mois presque et demi. Oui. C'est pas normal. J'aimerais ça te dire que ça va se régler, mais ça ne se réglera pas parce que chez le Canadien de Montréal, c'est pas vrai que ça va au mérite. Ça va à ce que le coach a le goût de faire comme traitement à son joueur. JB, c'est encore coupé. Bon. Là, ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est que là, ça a coupé à Galchenyuk le dernier temps. La dernière fois qu'il y a eu moins de 12 minutes de temps de jeu, oui. Avril 2014, et je disais, ben, chez le Canadien de Montréal, c'est pas vrai que ça va au mérite le temps de glace, parce que le mérite ferait que ce gars-là aurait plus de temps de glace. Il est le quatrième pointeur du Canadien depuis le début de la saison, malgré qu'il a manqué une quinzaine de matchs. Et de l'autre côté, le très salarié, mais très peu productif, Tomáš Plekanec, a malgré tout plus de temps de jeu en moyenne à chacun des matchs depuis le début de la saison. Et ça, malgré ses 25 points, plus 5, et ses 7 millions de dollars. Ouais. J'aime le mérite. Ça va pas au mérite. Non, mais c'est ça. J'aime que t'apportes le mérite parce que on fait son cas... du tout au tout depuis tantôt, puis effectivement, ça va pas au mérite. Je te lance ça comme ça, puis dis-moi si je suis fou, là. Est-ce qu'on peut, là-dedans, peut-être penser qu'il y a des situations qui n'ont pas mis en faveur Alex Galchenyuk? Par exemple, des matchs où, justement, on était peut-être à un moment au plus serré, puis, tu sais, je connais pas les stats avancées, là, mais est-ce que Plekanec est dans une situation X, l'entraîneur a jugé qu'il était plus opportun que Galchenyuk pour tel ou tel moment? Bien, à chaque fois qu'il y a un désavantage numérique, Plekanec le passe pratiquement au complet sur la glace à chaque fois. Donc, c'est sûr que ça génère du temps de glace. Exact. Et Alex Galchenyuk n'a pas toujours du temps en avantage numérique. Fouille-moi pourquoi. Mais on ne lui donne pas cet avantage-là. Et comme je te disais il y a quelques instants, le Canadien de Montréal, c'est pas comme si l'avantage numérique fonctionnait à pleine puissance. Non, et Kirk doit s'en mordre les doigts. Ben, il était censé régler le problème, lui, là puis ça n'a pas l'air de fonctionner non plus, là. Ben, je me rappelle, il y a 2 ans, je sais pas si tu te rappelles, toi aussi, il y a 2 ans, là, mais c'était combien d'années qu'il avait quitté Montréal, lui, 3 ans? Trois ans, oui, une affaire comme ça, 3-4 ans, oui. Et c'était Michel Therrien qui était à la base du Canadien à ce moment-là. Oui. Et je me rappelle très bien qu'à lors du bilan, on lui avait demandé qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et on avait carrément dit « Kirk Muller a fait un travail exceptionnel, ça fonctionnait juste pas ». J'ai hâte de voir, moi, ce qu'on va répéter cette année. Ça, c'est un aparté, là, mais... Non, mais je veux dire, tu sais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Son passage en Caroline n'a pas fonctionné non plus. Je veux dire, il y a peut-être de quoi qui passe pas, là. Peut-être. Ou peut-être qu'il n'y a juste pas les bons chevaux pour faire les stratégies qu'il met de l'avant. Et pourtant, Pacioretty à la pointe, c'est excellent comme idée, ça. Ben oui, voyons. Pacioretty, Ovechkin, non? Excusez que j'ai dérapé. Je sais pas, là. Il y a plein de points d'interrogation chez le Canadien de Montréal. C'est juste... Pis, c'est un peu nébuleux. Ben, c'est un peu nébuleux, puis c'est qu'à un moment donné, toutes les façons d'acquérir du talent vont faire que soit tu vas en perdre, soit que ça va prendre trop de temps, soit que ça sera pas vraiment l'acquisition de talent pour le trop gros salaire. Puis finalement, il n'y a pas de réponse magique. Ce qui m'amène à dire que ben, le Canadien de Montréal devrait peut-être penser à reconstruire avant de tomber à nouveau très très bas, un petit peu comme c'est le cas actuellement avec les Canucks de Vancouver. Moi, je pense que ce serait la solution. Puis, peut-être qu'on va sortir un lapin de notre chapeau, puis j'en serais très fier pour les partisans du Canadien, là, puis je serais content pour eux. C'est tough de sortir des chapeaux d'un lapin. Oui, c'est ça, parce que ça doit faire mal. Mais, autrement dit, je pense que bien expliqué, là, tu sais, on n'est pas fou à Montréal, on connaît notre hockey. Je pense que bien expliqué, les gens vont comprendre. Oui, ça va être long, tu sais, une reconstruction, ça va prendre 2, 3... J'espère pas plus que 3-4 ans, mais bien expliqué, les gens peuvent comprendre. Parce que en ce moment, là, c'était combien d'années là, qu'on parle de ça? Hey, ça fait facilement une décennie. Écoute, depuis 93, je l'ai déjà mentionné, puis il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, là, la seule équipe Cendrillon qui a gagné une coupe cette année, une vraie formation Cendrillon, et ne me dites pas les Kings, parce que gagner 2 coupes en 4 ans, ce n'est pas Cendrillon, c'est être en avant de son temps. Exact. Ils étaient pour devenir bons. Ils ont juste gagné une coupe trop tôt. Parce que ça a fait. Ben, trop tôt. En tout cas, jamais une coupe trop tôt, là. Mais ça a fait que rapidement, les gars avaient gagné une coupe cette année. Donc, il y avait ce bagage-là. Ils pouvaient négocier des contrats à leur avantage au niveau salarial. Et ça a fait que cette équipe-là, qui devait continuer à riser, s'est écroulée sous le niveau des salaires. Ouais. Fin de la parenthèse. La seule équipe vraiment Cendrillon qui a gagné une coupe cette année, ce sont les Hurricanes de la Caroline en 2008. 2007-2008, on a fait comme ça. Depuis 93, soit la dernière Coupe Stanley du Canadien de Montréal, c'est la seule équipe Cendrillon. C'est une fois en 24 ans. Il y avait un Cam Ward devant le filet qui était magique, qui était magistral durant ces playoffs-là. D'ailleurs, il surfe encore là-dessus pour avoir des contrats dans la Ligue nationale. Ça me fait capoter. Il devrait donner des conseils à Lac. Ah, peut-être. Surf sur tes bonnes performances. En fait, Alak, il fallait que je change de genre. Là. Mais bon, ça, c'est un autre histoire. Oui, c'est un autre volet. C'est un autre volet complètement. Tout ça pour dire que le Canadien de Montréal, s'il mise année après année à se dire « Une fois en playoff, là, tout est possible », c'est une stratégie qui fonctionne une fois sur 24. Puis le pire, c'est que c'est quand même vrai. Tu sais, je pense à l'année où on s'est rendu en finale contre les Flyers de Philadelphie. Toi, t'es à recommencer. Ben oui. Ben oui, parce que t'es pas censé être là. Ben c'est ça. Fait, c'est vrai que c'est un autre. Puis on se base tout là-dessus, on le dit toujours. Là, quand les séries arrivent, c'est une nouvelle saison, c'est la vraie saison, tout peut arriver. Oui, mais à un moment donné. Oui, mais non. Ben c'est ça. tout peut arriver dans 4% des chances. Exact. Tout peut arriver et tout peut te rattraper aussi. C'est important de ne pas oublier cette partie de la phrase-là qui suit après les 3 petits points. Mais le Canadien de Montréal veut faire miroiter ça. Les annonceurs aussi, parce que pendant les playoffs, ils vendent plus cher la pub, ils font plus d'argent. Le Canadien paye pas ses joueurs et fait remplir quand même le Centre Bell. C'est payant. On vend du rêve très loin de Walt Disney. On vend, oui, exactement, on vend du rêve, on vend de l'illusion. Et depuis 93, ça fonctionne. Moi, là, ce qui me fait capoter, c'est de voir que... Écoute, c'est une prédiction, là, mais c'est sûr... Écoute, je mettrai ma main au feu que c'est ça qui va arriver. Là. Les Oilers d'Edmonton et les Maple Leafs de Toronto, les deux clubs, vont gagner une Coupe Stanley avant le Canadien de Montréal. Arrête, tu vas en faire crier, toi. Et là-dessus, les Maple Leafs de Toronto étaient salement moins bien nantis que le Canadien de Montréal pendant tellement plus longtemps. Mais là, attends, là, l'avenir est excellent à Toronto. Là. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, ils se sont dit « Wow, c'est assez les vétérans, là. » Ouais. Wow, on va arrêter de payer là, un prix de fou pour aller chercher des gars sur le marché des joueurs autonomes. Ils ont tout plus que 30 ans, ça donne absolument rien. On finit par payer dans le vide, on est tanné. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de ce moment-là? Ils ont liquidé tous les joueurs de plus de 25 ans, sauf exception de Kadri et Van Riemsdyk. Ils ont échangé tous les autres et ils ont été reconstruits. Ben, en fait, je dis Kadri Van Mrazek, il y a Bozak aussi qui a plus que 30 ans là, dans les dans le corps offensif. Ces joueurs-là, au moment de commencer la reconstruction, avaient 24 et 25 ans. Ouais. Trois ans plus tard, tu vois émerger quoi? Tu vois émerger Austin Matthews, William Nylander, Mitch Marner, Kasperi Kapanen. Tu vois émerger Morgan Riley, Jake Gardiner, Marchenko, Morrison, Connor Carrick. Nylander. Nylander, je l'avais dit du côté de l'attaque. Ben, ça revient à ce qu'on disait, JB, on peut bien expliquer la chose. Oui. Tu sais, le Canadien est une entreprise. Ils peuvent arriver avec un plan et dire voici ce qu'on. Même si on l'a fait il y a 5 ans, là, parce que le plan gaganal, il se termine là. Là. Oui. On est là, on est censé être à l'année où on gagne tout, où on est dans notre apogée, et c'est pas ce qui arrive, malheureusement. Tu vois-tu bien des équipes, toi, aspirantes à la Coupe Stanley, l'année précédente, se battre pour le premier choix overall? Non, mais on jase, là. Non. Non, hein? OK, c'est ça que je me disais. Il me semblait aussi. Non, mais dis, à Montréal, on aurait voulu réécrire l'histoire, tu sais. OK, la dernière fois que le Canadien a vraiment croulé, là, repêché troisième, Alex Gachela, qui était le premier choix, troisième au total à ce moment-là. Oui. Le Canadien de Montréal avait certains éléments intéressants. Piquet Subban, Pacioretty, Price. Ouais. Ça demeure, grosso modo, le core de la formation aujourd'hui, là. Swipe Subban pour Weber, qui est un défenseur plus vieux, qui va commencer à être sur la pente descendante bientôt. Et t'as à peu près le même core. C'est la même formation, là. Ouais. T'as juste des patchs alentour. Depuis cette descente aux enfers-là, le Canadien de Montréal a absolument rien gagné. Depuis cette période-là, il y a des joueurs au repêchage qui ont été très, très, très intéressants. C'est vrai. Patrick Laine, Austin Matthews, Pierre-Luc Dubois, Jesse Puljujärvi, Connor McDavid, Jack Eichel, Mitch Marner, Noah Hanifin, Aaron Ekblad. Et nous, on a eu qui? Non, mais imagine, on vend Carey Price, on vend Piquet Subban, on vend Max Pacioretty à ce moment-là. Des choix de première ronde, des espoirs, de l'espoir. Le Canadien de Montréal se place en très, très bonne position pour repêcher McDavid, Ekblad, Matthews, Laine, tous ces joueurs-là, là, pour une bouchée de pain, tu ramasses des talents exceptionnels potentiellement. Mais penses-tu qu'on est prêt pour ça? Je te pose la question. Une bonne équipe de marketing peut te vendre ça. Ou en fait, non, même pas. Oublie le marketing. Oublie ça. Parce que le marketing veut faire de l'argent là. C'est pas eux autres à dire ça. Une bonne équipe de tête pensante de hockey est capable de te vendre ça. Avec des analystes de hockey qui te jasent des vraies affaires. Moi, quand il y a un gars à RDS qui nous dit que Alex Galchenyuk devrait jouer sur le power play avec Grigorenko au championnat du monde, je me dis, on est dans le trouble. Quand un gars nous dit, ah oui, Dwight King, c'est un gros bonhomme, il frappe. C'est parce que t'as pas vu jouer le gars. Ben, il est gros. Oui, mais il frappe pas. Ça a jamais été dans sa personnalité. Ben, il est gros. Mais oui, mais il frappe pas. Dis-moi pas qu'il frappe. Il frappe pas. Il frappe peut-être aux entraînements. Ça. Ah, peut-être. Quand c'est ses amis. Ah, coup de levée. Ouais. À un moment donné, la qualité des médias qui couvrent le Canadien de Montréal aussi a une influence dans tout ça. Nous autres, là, regarde, on vient de faire presque une heure de show. Là. On a peut-être l'air défaitistes. On dit peut-être des affaires que les vrais fans, entre guillemets, du Canadien de Montréal veulent pas entendre. Mais posez-vous la question. De vouloir avoir du succès à chaque année, est-ce que c'est réaliste avec la formation actuelle? Avec le minding, le mindset que le Canadien a. Est-ce que vraiment viser 4% de probabilité de réussite, c'est la bonne mentalité à avoir? Est-ce que c'est vraiment ça, souhaiter le bien de son équipe, être un bon fan? Ou c'est de souhaiter de peut-être retomber un peu pendant quelques instants pour mieux monter et devenir des vrais aspirants pour plusieurs saisons pour la Coupe Stanley. Si vous êtes contre le tankage, vous n'avez pas le droit d'aimer les Oilers d'Edmonton cette saison. Vous n'avez pas le droit d'aimer les Maple Leafs de Toronto. Vous n'avez pas le droit d'aimer les Capitals de Washington. Vous n'avez pas le droit d'aimer les Penguins de Pittsburgh. Vous n'avez pas le droit d'aimer les Hawks de Chicago qui ont raté les saisons, les séries 9 saisons sur 10 avant de devenir la puissance qu'ils sont aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit. Si vous me dites que vous aimez ces clubs-là, vous devez accepter que le Canadien passe par cette case-là si vous voulez vraiment que l'équipe ait du succès. Sinon, contentez-vous de 4%, puis vous allez avoir ce que vous méritez. Une formation qui va être toujours assez bonne, pas trop mauvaise, mais qui jamais va s'élancer pour un coup de circuit, seulement pour des amortis. Ton résumé est excellent, Julien. Pour terminer le show, je veux saluer les amis du danslescoulisses.com qui ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient parti, qu'ils s'étaient départis d'une portion de leur site. Ils avaient vendu des parts pour se permettre de se propulser vers l'avant. On les salue bien bas. Max Truman, qui est ce que je considère un ami, une très bonne connaissance à moi. Je l'avais sur mon show de radio. Au début du site, j'ai écrit sur le danslescoulisses.com dans les premiers balbutiements de ce site-là. Je suis très, très, très content d'apprendre ça aujourd'hui. J'allais d'ailleurs le saluer et le féliciter de tout ça. Donc, on te salue, Max. Félicitations pour le bon travail. Puis, toi et ton équipe, continuez d'aller de l'avant avec le site et d'y mettre toute votre passion. Laissez faire tous ceux qui vous disent que vous êtes de mauvais journalistes ou des simples petits blogs de fouilleux de fond de poubelle. Vous faites une bonne job et vous êtes une référence dans le domaine. Donc, je tenais à saluer les gens dans les coulisses. Et c'est fou comment en 8 ans, ces gens-là ont réussi à devenir une référence pour M. Antonin. C'est mon fil de nouvelles de hockey. Grosso modo, là, à tous les jours, c'est le seul site que je vais voir parce que les articles intéressants, ils ont fait le tri pour moi. Pour nous, les lecteurs, et dans le fond, je trouve ça toujours génial. Plusieurs très, très bonnes analyses. Plusieurs de leurs blogueurs qui se ramassent dans les médias traditionnels par la suite. Donc, gros thumbs up. En terminant, question du public, il y a Marc Carpentier qui nous... Charpentier, excuse-moi Marc, qui nous demande « Markov a les mêmes stats que Subban, avec une fiche de plus et moins meilleure que celle de Subban. On jase. » Tes commentaires là-dessus, Nick? Sous qui? Sur Subban et Markov. C'est qui lui, Subban? Ok. C'était le noir là dans le club, là. Non, pas de Devante Smith-Pelly, l'autre. Ok, l'autre. Ah, l'autre. Non, mes commentaires là-dessus. Il joue avec Weber. Ça aide. Mais il est bon, là. On va dire, là. Ce gars-là, saison après saison, est toujours bien performant. J'ai hâte de voir en série. C'est là où est-ce que le bas blesse habituellement pour Markov. Mais j'espère qu'on l'a assez reposé cette saison pour qu'il puisse performer en playoff. Markov, là, c'est le genre de défenseur que tu prends n'importe quand dans ton équipe. Hein. C'est le grand frère, c'est un peu comme Weber, c'est le gars qui va... Markov n'est pas flamboyant comme Piqué l'était, mais Markov a un hockey sense que Piqué n'a pas, mais qui, je crois, va avoir. Possible. Parce que Piqué Subban, pour moi, reste un joueur élite dans la Ligue nationale de hockey, malgré que dans un vestiaire... Bon, là, on n'est pas dedans, bon, on le sait pas, là, mais on semble comprendre qu'il est une pomme pourrite, en quelque sorte. Là. Mais moi, je l'aimais, Subban, et je l'aime encore. Mais dans une équipe de hockey, je prends Markov avant lui, puis je vais chercher ce que Markov n'a pas de Subban ailleurs, dans des joueurs autres, parce que Subban semble vraiment trop dérangeant soi-même. Mais c'est de l'âge aussi, il rentre en ligne de compte, puis bon, l'expérience et tout ça. Je pense que Markov est plus apte à se rendre frais et dispo pour des séries que Markov, que Subban peut l'être en ce moment. Je pense que dans sa formation, Markov en saison est peut-être plus utile, mais reste que côté puissance de la brigade défensive, les Prédateurs de Nashville torchent le Canadien, mais comme solide. Fait qui ont monté cette brigade-là? Ah, écoute, quelqu'un qui devait être brillant. Tu sais, quand tu peux te permettre de perdre Seth Jones et de quand même avoir peut-être la troisième meilleure défensive de la Ligue nationale? Ça dit tout. Donc, Marc, j'espère que ça répond à ton interrogation, à ta question. Moi, je demeure en faveur du joueur qui est piqué Subban dans la transaction pour Weber, vu l'âge, vu bon, la patente. On a déjà fait des textes sur la POC, on a déjà parlé sur le show de tout ça. Une saison ne fait pas une carrière, et surtout des situations avantageuses versus pas de l'autre côté peut venir distordre tout ça, parce que oui, tu nous dis qu'il a le même nombre de points, c'est 35 contre 36 pour Subban, mais Subban le fait en 58 games contre 70 pour Markov. Non, 50, excuse-moi, j'en regardais dans... Fait que c'est le même nombre de games. Oublie ça, cet argument-là. Non, mais sais-tu, moi, ce que... Et là, je lance ça comme ça, là. Mais... Moi, j'ai l'impression qu'on va revoir Subban à Montréal à un moment donné. Je pense, comme agent libre éventuellement. Si... Mais il faudrait que Marc Bergevin ne soit plus le directeur général. Ah ben ça, c'est clair qu'il y a un lien de confiance qui a été brisé entre les deux, et même, je dirais, entre les trois, mais le troisième étant plus là, là. Mais moi, je pense que Piqué va revenir à Montréal à un moment donné, plus mature, peut-être plus prêt à aider le Canadien de Montréal. Mais ce gars-là, à un moment donné, va juste faire en sorte que le Canadien va se mordre les doigts. En ce moment, bon, il a été blessé. Je pense qu'il y a un problème de dos, un problème de Écoute, faudrait que je fouille là. Mais il y a eu quelques matchs de blessure, là, Piqué, cette année. Mais imagine si il avait joué tous les matchs qu'il aurait dû jouer. Moi, je pense sincèrement qu'il serait bien au-delà de Markov. Là. C'est même pas comparé, c'est même pas le même genre de joueur, anyway. Mais je reste, moi, à prendre Markov avant Subban pour une brigade défensive. Mettons pour une équipe que je pars demain matin. Ben, ça dépend, là. Si tu as une brigade qui est jeune, tu peux ajouter Markov, tu sais, de l'expérience, vétéran, tout ça. À l'inverse, si tu pars une défensive de zéro, ben, aujourd'hui, là, je prends Subban avant, vu l'âge. Oui, étant donné l'âge, mais si tu as des plans, moi, mettons, j'aurais un plan différent, là. Probablement un grand frère. Il y en a d'autres dans la Ligue nationale, tu vas me dire, mais on parle des deux en ce moment, là. Je considère Markov. C'est des points qui se défendent, puis tu sais, vient dans tout ça une question de préférence, puis ça, ben, ouais. Les goûts, ça se discute pas. Puis écoute, au final, on s'entend que les deux sont bons, là. Oui, bon, mais t'en as un plus longtemps que l'autre. On parle pas d'un chaudron versus un diamant, là. Les deux gars sont très bons, puis amènent des choses à leur formation positives et négatives, chacun de leur bord, là. Fait que après ça, ce que tu préfères, prends ce qui te plaît, là. Non, exactement. Voilà qui fait le tour pour l'émission de cette semaine. Un gros merci, Nick, d'être venu sur le show pour encore une fois remplacer Jerry Godbout, mon partenaire de toujours, que d'ailleurs on salue. C'est sûr qu'il va écouter le show. On fait ça pas pire, hein, mon Jerry? OK. Ça, je pensais. je m'imagine sa réponse. Travailler avec toi, qui est un homme au conseil d'or, c'est toujours un plaisir. Écoute, encore une fois, je suis flatté, Nick. C'est un honneur de t'avoir parmi mes amis et connaissances et collaborateurs dans mon parcours de vie. Je suis content de t'avoir sur mon chemin. Oh, t'es gentil. Je te renvoie l'appareil. Nick, si les gens veulent discuter avec toi, te rejoindre, est-ce qu'il y a des choses, des plateformes où est-ce que tu es disponible sur les réseaux sociaux? Oui, dans un centre d'excellence, Sport Rousseau, près de chez vous. On te croise avec un veston, cravate et une épinglette du club local. T'as tout compris. C'est bon. Moi, de mon côté, JB Gagné, vous pouvez m'ajouter sur Facebook. Mentionnez-moi que c'est en lien avec la POC. Ça va me faire plaisir de venir discuter avec vous de hockey. Je suis sur Twitter, @gangj_B. La POC, vous pouvez nous retrouver aussi autant sur Facebook que sur Twitter, @lapocpodcast. Et j'ai d'autres projets comme le podcast Réalité augmentée que j'anime avec mes comparses Luc Desormeaux, Daniel Carosella et Jonathan Turcotte. Et qu'on vous invite à venir découvrir si ce n'est pas déjà fait. On parle de cinéma, de tout ce qui est geek, tout ce qui est jeux vidéo, avec beaucoup d'humour et de passion. Voilà qui fait le tour pour l'émission La POC de cette semaine. Merci à vous les auditeurs d'avoir été du rendez-vous. C'était encore une fois vraiment très très nice de vous avoir avec nous autres. Merci Dick de ton passage. Plaisir. Écoute, ça faisait longtemps qu'on voulait que tu sois sur le show. Finalement, ça a bien à donner, vu l'absence de Jerry. Puis on se dit, une prochaine fois, hein, faut que tu reviennes sur le show. C'était vraiment cool. quand tu le voudras, mon cher. Salut tout le monde. Bye bye. À la prochaine.